Yogi Bear is smarter than the average bear. Yogi Bear is always in the ranger's hair. At a picnic table you will find him there. He's got him down more goodies than the average bear. He will sleep till noon, but before it's dark, you'll have every picnic basket that's in Jellystone Park. Yogi has it better than a millionaire. That's because he's smarter than the average bear. Pow! Hey, arrête de pâter, toi. J'en pâte pas, je pâte. Ben oui, c'est ça. J'aime pas ça quand t'es comme ça. Tu vas mal ingérer l'émission et elle s'amène dans des engrenages que je ne pourrai poursuivre jusqu'à la fin. Ah, oui. Depuis autant d'années, t'es sur l'automatique. Ben non, je suis pas sur l'automatique. T'es sur l'auto. Ah, ben là, j'ai même pas mon permis. Oh, mon Dieu, ça risque d'être épouvantable. Oui, épouvantable. À moineau. Épouvantable à moineau. Oh, monsieur le tracteur. Bonjour, monsieur le tracteur. Bonjour, mon cher ami. Je suis pas un tracteur, je suis un facteur. Pardon? Je suis pas un tracteur, je suis un facteur. Oh, ben oui, mais vous passez quand même. Oui, comme le tracteur. Alors, vous êtes un tracteur? Non, je suis un facteur. Un facteur. C'est un facteur à ne pas négliger. Oh non, vous livrez quoi? Je livre un beau courrier pour vous, monsieur. C'est monsieur Grenier. Non, moi c'est Rénal. Attendez. Rénal! Ah, l'insignifiant, il est parti. Il est encore en train de parler à des filles. Rénal! Attendez, monsieur le tracteur. Non, moi c'est facteur. Hey, tracteur, attendez. Enchaîne-le, Jean-Marc, enchaîne-le. Ah, mon Rénal, comment ça va? Oh, ouais, je suis fatigué, là, moi, là. Oh, il est quelle heure, là? Eh, hey, bien, c'est le temps de l'errance, c'est l'heure, on a commencé, c'est pas vrai. Eh, hey, c'est moi, là, qui anime. Ouais, ouais, mais arrête de dramatiser le tout, puis gardez, c'est monsieur le tracteur. Ben non, c'est pas un tracteur, c'est un facteur. Bah! Tracteur, facteur, bonjour, monsieur le facteur. Bonjour, monsieur. J'ai gouvernement du Canada. Oh non, pas une lettre du gouvernement du Canada. Ah! Merci. Ben, au revoir, à la prochaine, bonne émission, là. Merci. Oh, non. Ça, c'est des pas, il s'en va. Ah, on l'avait remarqué. Hey, on a un bruiteur ici, Johnny. Avez-vous le sifflet de Johnny? Non, on l'a pas localisé. Hey, on va être... Oui, ici, oui, mon Johnny. Ah oui! C'est comme ça. C'est comme ça, la la la la, oh, moi ça bouge et ça cartonne, ouais, allez, gouvernement du Canada, hey, c'est driste, ça, mon Rénal. Oh, là, arrêtez, là, ça m'énerve, je crois que ça risque d'être la fin. La fin de quoi? La fin de tout? Non, la fin de mon monde. La fin de votre monde, monsieur Gagné, c'est possible? Non, parce qu'il n'y a pas eu de début. Oh! Je comprends pas. Non, OK. Attendez, là, on va ouvrir ça. Hey, gouvernement du Canada. Oh. Oh là là là là là. Oh non, c'est l'armée! Oh, c'est l'armée! C'est l'armée? Oh non, c'est on s'alarme! Il faut pas s'alarmer devant l'armée. Oh! Vas-y, mon mal-armée. Ah, oh, mon, la lettre. Elle s'est pliée en quatre, puis... en plus, le facteur, avez-vous remarqué, non? Il m'a demandé de signer, mais il l'a pas dit à personne. Il m'a pousser le crayon. Ah, comme un fonctionnaire. Oui, il pousse les crayons. Là, je peux pas dire que je l'ai pas reçu. Là, c'est en main propre, signé de ma part. Ah, non, dans quoi tu t'es embarqué? Attendez, je vais lire ça, là. Si tu peux pas, même si les pieds plus, ça fonctionne pas, dans la guerre, mercredi soir, à la guerre, ils veulent que j'aille à la guerre. Ah non, c'est pas vrai, Montréal. Hey, je crois que c'est la fin de l'errance, il m'a dit. Ça va pas très bien, j'ai une nausée. Hey, tu veux pas aller à la guerre, hein? Où ça? En Mando. Ils veulent-tu que tu viennes du monde là-bas? Non, je sais pas. Il fait que j'aille J'ai pillé plat la tête plate. J'ai une cellule. Ben, c'est ça, t'es un militaire. Non, j'ai pas. Vous êtes drôle. J'ai pas d'entraînement. Je suis incapable. Ils vont me tuer. Ben, c'est ce qu'ils veulent, hein. Oh, c'est... J'ai à peine 32 ans. Je n'ai pas connu l'amour éternel. On la connaît jamais, l'amour éternel. Oh. Attends, il faut que j'écrive une lettre à notre président. On n'a pas de président. On va l'écrire au président. Bon, on va en trouver un président. Le président de la poutine de Québec. Ah non, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Il va aller parler au premier sinistre. Attendez-moi comme ça. Monsieur le président, je vous fais une lettre. Je suis pas capable. Attendez. Que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Il n'y aura pas le temps, il est en train de faire cuire de la patate. Ben, la patate va la lire. Okay. Je viens de recevoir les papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Hey, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui. Ah non, mercredi à aujourd'hui, ça donne pas beaucoup de temps. Monsieur le gros rouge, s'il vous plaît. Le gros rouge, ah ouais, amène l'Indien. Non, pas le rouge, bouteille rouge, une bouteille de rouge. Igloo, amène-moi une bouteille. On n'a pas de bouteille rouge. Je pourrais pas poursuivre. Je vais m'évanouir, je vais mourir. Ouais, arrête, vas-y, Morelal. Monsieur le président. Président qui? Mais de la poutine. Monsieur le président, je ne suis pas sur Terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise que ma décision est prise. Je m'en vais. Comment? Je m'en vais. Tu t'en vas où? Ben, déserté. Ben, vers le désert. Moi, j'aimerais ça là, m'en aller très loin avec des drômes à l'air. Tant tout le monde va être à l'air, même les drômes à l'air. Il y a du sable, il y a de l'eau. Ben, c'est pas... Ce qui me plaît là-dedans, là, c'est un peu comme l'émission Errance Rénaldienne. Il n'y en a pas d'eau, il n'y a rien. Tout est inventé. Tout n'est qu'un nuage de fantaisie. Et tout le monde est mort là-dedans. Qui n'a pas pris son bain dans du sable? Alors, je m'en vais. Mais je m'en vais. Avez-vous le gros rouge? Mais non, on n'a pas trouvé l'Indien. Pas l'Indien! Une bouteille, une coupe de rouge. Une coupe. Deux, trois. Non, une coupe. Pas une coupe, là. Une coupe. Hé, hey, pas une coupe, une coupe. Ah, tu amènes-moi quelque chose. Un verre d'eau. Hey, on arrête ça, c'est encore des mots de télévision. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères. Mais j'en ai pas de frères. Mais c'est pareil, pour le même temps, t'en as. OK. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Lesquels? Ben, tous les enfants que j'ai fait à des jeunes demoiselles de Facebook. Là. J'en ai des centaines et des centaines. Je me suis placé dans un trouble incohérent, incapable de souvenir à ces besoins-là, à aimer toutes ces femmes et à les embrasser tous les jours, toutes les soirs, toutes les nuits, à leur dire je t'aime, je ne peux pas me passer sans toi. Mais non, je peux pas me passer d'elle, il y en a 250 000. Ma mère a tant souffert, elle est dedans. Elle est dedans, puis enfermée, elle essaie de frapper. Original! Laisse-moi sortir, original! Elle est bloquée, là. Il se moque des bombes. Non, attends, plus. Ma mère, elle t'a souffert. Elle est dedans sa bombe. Elle se moque des bombes. Elle se moque des verres. Hé, hey, en parlant de verre, un verre, s'il vous plaît. Deux glaces et bien de la purée de technicien, s'il vous plaît. Quand j'étais prisonnier... Mais j'ai jamais été militaire, moi. Non, mais je me mets dans la peau d'un prisonnier. Moi, je suis un comédien. Toi, t'es quoi, toi? Ah, oh, moi, je suis un moins que rien. Ben, c'est ça, t'es un métèque. Avec des juifs de métèque et de partagrec, t'es tes cheveux aux 80. Avec ta bouche qui a bu, qui a souffert et mordu sans jamais assouvir sa faim. Avec mon... OK. On m'a volé ma mère. On m'a volé mon âme. Pas ma mère, ma femme. Oh, mes femmes. On m'a volé mes femmes de Facebook. On m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, des années mortes. Et on sait que les années mortes tombe sous les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Ah non, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais le vent du nord les emporte dans la nuit froide. de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson. Oh, que tu me chantes, c'est une chanson. Qui nous ressemble, toi qui m'aimais, toi qui m'aimais, nous vivions tous les ensemble, toi qui m'aimais, toi qui m'aimais. Mais, monsieur le président, je mendierai ma vie sur les routes de France, de Québec, de Suisse, de la Belgique, de toute la Grande Brophmanie, de Bretagne, en Propance, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez, donnez le vôtre. Vous, monsieur le président, là, vous êtes bon apôtre. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes. Oui, dites-leur, hein? À ces petits crottés à calotte, là, hein? Armés jusqu'aux dents, là. Bien, qu'ils enlèvent ma prothèse parce que ça m'a coûté quand même 250 euros. 250 350, c'est ça, mais. Quoi, du jeu, 250 000! Une prothèse à 250 000, que Dieu te protège! Amen! Si vous. Amène la prothèse à 250 000, et ouh, penses-tu que je vais te la laisser, toi? C'est-tu en marbre? Non, c'est en marbre. Prenez vos gendarmes, là. Ah oui, va faire pipi, toi. Vas-y, gendarme, va. Il y a un petit poteau, là, allez, va faire pipi, le petit pipi, gendarme, pas police, le petit poteau, allez, pipi. Des besoins de policiers et de gendarmes, on va attendre un petit peu, là. Bon, mordez pas votre prochain, là, hein? Bon, arrêtez de vous sniffer le crotal, là, bon, allez-y, bon. Et ces gens-là, hein, ça sniffe, c'est une vraie police, ils sniffent le derrière de l'autre. Non, allez. Si vous me poursuivez, monsieur le président, prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes. C'est pas vrai. Mais s'il vous plaît, si vos gendarmes me tirent, ben, dites-leur de passer à côté, hein. Je ne suis qu'un simple errant rénaldien. Bonne émission! Papa! Attention, avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine.

vous embrasse. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Antonin Artaud. Merci. Monsieur le Président, hein, j'aimerais vous parler quelques secondes, si c'est encore vous, mais oui. Vous êtes en demande à l'errance canadienne. Ah, parce qu'on vous aime, hein? Ah, on aime bien ce que vous faites. Vous avez un beau programme à la télévision. Non, c'est pas vrai. C'est pas lui. Comment ça? C'est pas le président. Non, c'est pas le président de la TT. Oh mon Dieu! Encore une erreur de ma part, là. Je suis extrêmement. Mais ne le soyez plus, mon cher ami. D'accord. Monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Oh, tu fais bien ça. Est-ce que Rénal est revenu? Oui, c'est moi. Ah, comment ça va? Ben oui, ça. Je me remets un peu de mallette, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, on verra. L'absurde aventure de l'Errance Rénaldienne s'ouvre à l'instant. Tu peux pas pleurer de même jusqu'à la fin? Non, OK. Je vais me plaquer un sourire. Ah, c'est bien plaqué, ça. Mets des clous, Jean-Luc. Non, pas des clous. Êtes-vous malade, là? Ben, des clous, ça dépend. Des clous d'amour. Ah, ben, allez-y avec des clous d'amour. Ah, oh, ça fait pas mal. Ah, oh, ça fait plaisir. Ah, c'est des clous d'amour. Ben oui, on sent rien, c'est virmunel. Pas virmunel, virtuel. Ah, tu sais tout, toi, ben oui. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. La seule émission où l'animateur se veut, sous la supervision du... Docteur Mabuse. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il voulait vous... Ah oui, qui télécharge mes émissions? Oh! Si vous le faites, là, écrivez-moi à renaldquebec@hotmail.com. renaldquebec@hotmail.com. Comment on écrit Renald? Écris pas ça de même, ça va se rendre à Tombouctou. Ben voyons, pas, c'est pas... C'est Renald, RAYNALD QUEBEC@hotmail.com. Alors donc, qui télécharge mes émissions? Vous, là, qui allez m'écrire. La Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? Oh, on ne sait pas. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. 2 heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal de gagner. L'errance rénaldienne... complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le samedi 10 avril 2010, on a encore passé à travers une semaine. Oh. Le Québécois, le citoyen, le peuple francophone est d'une capacité incroyable à reprendre le boulot. Imaginez, comme disait Albert Lanu. C'est pas Albert Lanus. Non, c'est pas Lanus, c'est Canus. Ah, Albert Canus, imaginez! Eh bien, il m'aimera pas Albert. Sors-moi donc, Albert, emmène-moi voir des choses, amène-moi loin les enfants, sortons tout seul ensemble. Juste un soir, Albert, où reste... Ça, c'est une femme qui chante, hein? Au restaurant du centre, ou dans un casino tranquille. Pour investir des petits bills, des bills. Pour le gouvernement en a besoin. Il est sur la banqueroute est dans les arbres sont dans les feuilles, l'argent ne pousse pas dans les arbres, ma didé. L'argent ne pousse pas dans les feuilles, dans les arbres, surtout dans les arbres, malidon. Je pense qu'il faut la dépenser. Quand on n'a pas d'argent, on la crédite. Il y a bien un petit trou. Aujourd'hui, le samedi 10 avril 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Tu parles trop vite! Ruff! Ruff! Laissons sur la boussole les chassés croisés amoureux et... non, c'est ça. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui atteint notre quotidien. Nous plaçons cette semaine sous les projecteurs l'icône de toutes les générations. C'est qui? C'est Françoise Barbie. Oh, la belle Françoise Barbie, elle vient avec des cheveux. Ah oui, des cheveux, deux yeux, un nez, une bouche, deux fesses qui se connaissent, deux pieds pour danser, deux bras, ça va, midolon, midolette, ah oui, la voix, la voix, la voix. Tous les garçons et les filles de mon âge se mangent dans les yeux de bandeau. Ça, c'est qui? C'est une imitation de Françoise Barbie. Oh! On l'avait reconnu. Et tous les garçons et les filles de mon âge vivent dans des balais qui sont heureux. Mets les yeux dans les yeux et la main dans la main. Êtes-vous sûr que c'est Françoise Barbie? Ben oui. Ben oui, c'est Françoise Barbie, la plus belle, la plus douce, avec la voix suave et sensuelle. Hey, imaginez-vous, Jean-Luc, imagine-toi mieux que ça, là. Imagine-toi Françoise Barbie au même étage, sur le même immeuble que toi. De l'autre côté de la porte habite Françoise Barbie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, moi, je m'en vais y acheter du linge, là, puis je la change. Comme j'aime changer toutes mes Barbies. OK, ensuite? Comme toutes mes Barbies, je lui lave les cheveux. OK, après? Après, je la mets en position assise. OK. Et par la suite? Par la suite, avec mon doigt, là. Oui. Avec mon doigt, là. Oui. Avec mon doigt, sais-tu ce que je fais avec mon doigt? Non. Je pousse sur la chaise berçante et je la fais bercer, ma Françoise Barbie. Là, qu'est-ce qu'elle fait, ta Françoise Barbie? Elle rit, Françoise Barbie. Oh, parce qu'elle aime ça, se faire bercer. Elle aime ça, se faire bercer, Françoise Barbie. Surtout quand c'est mon doigt qui la berce. Oh! Ah non, mais mon cher ami, t'as le doigt. Ben oui, j'ai le doigt de la faire bercer avec mon doigt, la Françoise Barbie. Effectivement. J'ai pas dit le contraire, là. Oublie pas de prendre tes petites pilules vertes, là. Ça va te relaxer un peu. Non, mais mon doigt! Qu'est-ce qu'il y a, ton doigt? Mon doigt, il peut bercer Françoise Barbie. Ben oui, tu peux la faire. Tu peux pas. Fais ce que tu veux avec ton doigt. Oui, parce que mon doigt, c'est un doigt magique. Magique. Il guérit tout lorsque je fais la position de mon doigt. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait la prison à cause de ça? Comment ça? Ben, ils ont voulu apposer des petits doigts dans des endroits un peu plus coquins. Coquins. Sur plusieurs dames, ils se disaient auto-pédiatres. Ils ne pédiatraient pas du tout. Ils faisaient que rentrer des petits doigts. Des petits doigts, moi j'ai des petits doigts. Des petits doigts, moi j'ai des petits doigts. Des petits doigts de classe, des petits doigts qui ne lassent pas. Moi j'ai des petits doigts. Des petits doigts, et des petits doigts. Tu vas aller en prison. Oh ben ok, Françoise Barbie, je t'aime. Album au son pop, voix élégamment mise en avant, du swing. Ouais, ça sent le swing, hein? Le swing, voilà une Françoise Hardy qui sort de l'ordinaire. Des fois, Françoise a le goût de rien faire. Elle prendrait du pot, de la marijuana. Elle boirait de la bière. Elle ferait de la musique avec le gros Pierre. Mais Françoise, faut qu'elle pense à sa carrière. C'est une chanteuse populaire. Elle aime son public, mais elle ne se pique pas! Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est parce que je me souvenais plus des paroles. De paroles de... Ordinaire. OK. Quelques effluves du CD, le danger. Un peu d'années 70, des orchestrations branchées, du rythme. De joie, de joie, les jouets du monde entier sont faits pour les enfants de mon loyer. Des jouets, du rythme, de jolies harmonies et un titre comme souvent à son habitude, presque a cappella. Comment ça, titre? Ben oui, une chanson, OK. Voilà le nouvel opus de la chanteuse de tous les garçons et les filles. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, la dernière du film de Gilles Carle, La mort d'un bûcheron. Dans quelques secondes, nous nous enlacerons avec un groupe légendaire anglais. C'est pourquoi, maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée. Et place à une autre sorte d'icône, un groupe exceptionnel. Pour vous, un petit extrait, un court extrait. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Charlotte. Julie, je t'aime. Oh, Dorothée, bonjour, comment ça va? Oh, Julie. Natacha. Maryse. Oh, merci, et c'est les Rolling Stones. Welcome, Hampton. And welcome to everyone watching on TV. Hope you're having a good time now, drinking a few beers, smoking a few joints at home with you. All right. Let's spend the night together. Allez, rentrer dans la Diane. On a le budget, hein? On a des pliés depuis deux semaines. On voulait vous le dire, mesdames et messieurs. C'est pour ça que nous allons faire un radio-con. On peut pas en faire de radio-con. On a annulé l'histoire. Comment ça? Ben, on fond. On dira ça dans les journaux. Vous nous lirez à la page 69. OK. OK. Alors, c'est l'usure du temps. L'usure du temps. L'usure à temps. Il prétend tout, connaître les secondes au degré des heures, maîtriser les minutes à peine explorées, au cadran de la nostalgie, la poussière s'épaissit, la vie frappe devant le miroir des jours. Elle voit trépasser les années et mourir nécessairement les mois qui murmurent un je ne sais quoi de lascif et de répétitif. bon, c'est beau ton répétitif. Tu l'aimes mon répétitif, hein? Ah ben je l'adore ton répétitif. Le répétitif. Peux-tu le répéter le répétitif? Répétitif. Oh! Oh, oh! Combien de travail en studio? 250 heures. Écoute, répétitif. Oh! Hey, c'est pas n'importe quoi, Madame Thibault? Oui! Pouvez-vous dire répétitif? Répétitif! Ah ben voilà. Y a pas de répétition. Non, y a pas de répétition. Répétitif. Eh, monsieur. Alors, il faut être homme de théâtre. Effectivement, répétitif. Oh, Madame Thibodeau. Oui. Alors, pouvez-vous dire répétitif? Oui. Allez-y. Oui. Arrêtez de dire oui, mais dites répétitif. Répétitif. Eh, monsieur. Qui dans la salle est capable de dire répétitif d'une manière éloquente et convaincante? Monsieur Grappette, mon Grappette? Ouais, moi je suis capable de le dire le mot. Allez, dites le mot. Mais c'est un mot. Oui. Effectivement, c'est un mot. Un mot francophone. Oui. Qui donne beaucoup de points au Scrabble. Oui. Et qui est? Et qui est celui-là, là? Lequel? Ben, ce que vous voulez que je dise? Ben, dites-le. Ben, je vais le dire. Dites-le. Je suis capable de le dire. Oui. On attend. Attendez. J'attendais le jour et la nuit. J'attendais toujours le mot. Dis mot, dites-le. Ben, je peux le dire, le mot. Ben, dites-le. Répète. Êtes-vous dégonflé? Hey, il est plus capable. Embarquez-le. Dans la boîte. Il va péter. Dites-le. Hey, monsieur. Jean-Luc, amène-moi ça. Là. Êtes-vous constipé, monsieur? Il est bloqué. Débouchonnez. Avez-vous le bouchon à vin ou à champagne? Non, il n'y a pas de bouchon à champagne. Allez ici, débouchez-le. Avez-vous quelque chose? Un couteau. T'es pas capable. Il va mourir, là. Le premier mort à l'errance canadienne. Il est capable de dire le mot compétitif. Il est déjà derrière. Il est rouge comme une tomate. Rouge comme la tomate verte. Êtes-vous capable d'être rouge comme la tomate verte, vous, Mme Tremblay? Ben, moi, c'est la couleur de ma sauce à spaghetti, hein. Elle est couleur tomate. Couleur tomate. Moi, j'aime la couleur tomate. Monsieur, êtes-vous capable de dire répétitif? Non. Couleur tomate. Moi, j'aime la couleur tomate. Cette semaine! Et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe inoubliable. Pardon? Inoubliable. Eh, monsieur. Inoubliable, oui. Inoubliable. C'est tellement inoubliable que tu vas faire péter, tu vas briser, tu vas mettre en détritus. Les détritus de notre balado sonore. Bon, ça sera inoubliable, ça. Ah, c'est très inoubliable. C'est comme ton mariage, maman. C'est votre... mon mariage, c'est inoubliable. Comment ça? Mon mari, il s'est jamais pointé. Ah, c'est pas un fidèle. Ben, c'est un fidèle castré. Ah, non. Un autre fidèle castré. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? L'imbécile. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez retrouvé? Ah, pour l'avoir retrouvé, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Où était-il? Ah, il était dans un bar. Pas vrai. Comme n'importe quel crotté. Comme n'importe quel crotté de mari qui se cache de celle pour pas faire sa contribution à mon plaisir universel. Oh, c'est quoi votre plaisir universel? C'est ma sauce spaghetti. Oh, vous aussi? Oui, ma sauce spaghetti. Moi, j'aime ça, les sauces spaghetti. J'aime ça, moi. Bon, et puis? Mon mari aime pas ça. Vous avez marié un homme qui aime pas ce que vous adorez le plus au monde? Non. Que voulez-vous, hein? Quand on est né pour un petit pain. On mange pas les croûtes. Non, on mange pas les croûtes. Ça reste pris dans le fond de la gorge, hein? Ben oui, puis après? Ben, on peut mourir. Ça serait une bonne affaire pour vous? Ah, c'est vrai. J'essaye de mourir, mais j'ai pas le temps. Bon. Je vais vous donner des trucs. Il y a Hubert Reeves qui a écrit là-dessus des suicides pas assistés, mais heureux. Ah, c'est pas, ça des suicides attristants. C'est jamais attristant pour celui qui le fait, c'est attristant pour ceux qui le vivent. Ah. Vous avez jamais... C'est confus. Ah, c'est très confus. Mais c'est inoubliant parce que mon mari, lorsque je l'ai vu, ça, il était dans un bar. Mais il était pas juste dans le bar. Bon. Vous me direz pas qu'il était avec une autre femme? Oui, parce que c'est féminin, là. Oh, il était avec une féminine. Une très féminine. Comment ça? Elle était pleine jusqu'au goulot. C'est pas vrai! Il s'était assouvi dans elle! Je parlais d'une bière, une bouteille. C'est féminin, c'est goulot, plein au goulot. Ah, je pensais que c'est... Hey, vous m'avez fait peur. Ils ont été obligés de couper ça, cette émission-là. Oh, non, coupez rien, hein. Ça risque d'être inoubliable. Ben, pour être inoubliable, ça l'est, là, pour le moment. Ah oui, ben c'est plus que le moment de le dire. Oui, votre mari, ben c'est ça, il parlait avec sa bouteille de bière. Puis qu'est-ce qu'il disait? Je t'aime, ah, je ne veux pas te tromper avec l'autre. C'est qui ça, l'autre? Ben c'était moi. Ah, c'était vous? Ah, comment vous avez pris ça? Ah, j'ai très bien pris ça, j'ai dit. Reste avec ta bière, mon crété, je vais rester avec mes saucisses pieds ici. Oh, et maintenant? On est mariés. Pas vrai? Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire. Pour le plaisir. Pour le plaisir de... On est de mauvaise humeur ensemble. On crie, on... Ça met de l'action dans une vie, là. Je le frappe, là. Je sais pas. Il y a quelque chose en lui, là, qui m'énerve, là. Hein? Je le regarde, je dis, ma belle grosse face, ping-pang, ping-pang! Il pleure même pas, il aime ça, là, parce que c'est un Québécois. Puis, rapport, il a dit qu'on était des sadomasos. Il aime ça se faire frapper, là. Il rit, il reste devant, puis il a un petit sourire. Il lui reste juste une petite dent, là, puis elle est cassée dans le milieu, là. Ça donne juste le goût de terminer, là. Puis qu'est-ce que vous faites? Ben, j'essaye de terminer! Mais elle tient, elle m'a l'air de tenir. Puis c'est quoi? Ben, c'est une molaire, puis elle m'a l'air de tenir jusqu'à la fin, et elle. C'est inoubliable, là. Plus je le frappe, plus elle reste. Elle est comme moi, dans le fond. Oh, OK. Alors, allons-nous mettre dans le grand château de la symbolique francophone le mot inoubliable? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et on peut aussi également balancer au bonobo, parce que c'est son temps, là. Il est venu le temps des cathédrales que le bonobo... Hein? Oh, le fil conducteur. Oh! Qu'est-ce qui arrive avec ça? Attendez, on a un petit problème technique, là. Oh, attendez-moi. OK, oui. Alors, le bonobo, bonibou, c'est le temps d'une chanson. Donc, préparez-vous l'oreille, car elle sera plus que gustative dans la seconde qui suivra. Mes mots, la musique embaumera l'errance rénaldienne. Es-tu certain? Ben là, j'essaie de parler pendant tout ce temps-là. Là, je mets le CD, referme le CD... Céder le passage, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas céder le passage. Attendre que le son nous arrive aux oreilles. Bon, attendre, on attend. On l'a fait, celle-là, j'attendrai. Oh non, OK, celle-là. Oui, le bonobo, on y va! Wow! 1, 2, 3! Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl. Eyes that twinkle and shine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand. My heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Well, you're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh yeah, c'était pour la fête de grand-mère. Et non, c'était pas ça, c'était Johnny Burnett avec You're 16. It's fait de 16, petite bébé doll. Comme tu danses bien le rock and roll. Fin des 60s, où sont tes années froides? Où sont venues toutes tes... Dans la blanche de Shadows, des potitos, des animaux. Il est pas mort, ma Cotney, hein? Eh bien, gênez-vous, c'est la première chronique de notre sommelier en résidence, Yvon Soulé. Comment ça va, Monsieur Soulé? Ça va très bien, voilà. Là. Monsieur Soulé, vous êtes un... Pardon? Vous êtes un... Un homme? Oui, je ne suis qu'un homme. Rien qu'un homme, et je m'en méfie, et je m'en défends. Elle le sait bien, cette poltronne, qui rêve toujours et toujours autant. Mais qu'on me pardonne, à part le sommelier, pardon. Je suis un sommelier, sommelier, sommelier. Ok, vous êtes nerveux de passer à l'errance rénalienne. Oh oui, ben voyons, donc calmez-vous. Prenez-vous, avez-vous amené des quelques bouteilles pour que nous puissions goûter? Ah non, on n'a pas de budget. Ah, vous n'avez pas de budget? On n'a pas de budget. Non, ici, on n'a pas de budget. Oh, monsieur, OK. Quel est le personnage? Mais c'est moi. Yvon Grisé. Non, oui, Yvon Grisé, oui. Alors, je vais vous parler d'un vin 2009. Oh, est-ce que c'est une très bonne année? C'est une très... Toutes les années sont bonnes, hein, dans le Chardonnay. Alors, c'est le domaine de Clipa. Oh, est-ce qu'ils ont clippé de tôt? Ils ont clippé la semaine dernière avec 250 000 bouteilles de rouge et 3 bouteilles de blanc. Comment ça? C'est comme ça. Oh, c'est comme ça? Ah, ah, ah, ah, ah. Oh! Ah, le soleil, ça a donné sa bonne... Faut que ça bouille, OK. Et puis donc, c'est du vin chardonnay non boisé. Comment ça? Ben, on l'a déboisé avant qu'il soit boisé parce que Mme Tremblay... Qu'est-ce qu'elle voulait, Mme Tremblay? Elle nous a dit... Sors pas ça du bois, on pourra pas dire que c'est boisé, ce sera non boisé. Voyons donc, qu'est-ce que vous arrivez, vous? J'ai mangé 50 raisins. Puis? J'ai des flatulences au niveau du plexus. Des flatulences au niveau du plexus. C'est des raisins rouges. Oui. Puis les femmes, ça ne boit que du blanc. Comment ça, les femmes ne boivent que du blanc? Oui, c'est vrai. Comment ça? Ça fait pas vieillir, ça enlève les rides, puis ça attire les beaux jeunes hommes. Eh, monsieur. Et le rouge? Le rouge, ça plaît aux hommes. Comment ça? Ça attire la jeune fille. Ah, oh, c'est ça, voilà. Eh, hey, s'il vous plaît, 12 bouteilles de rouge, ici. À Errance Renaldienne, là. Ici, maintenant, right now, s'il vous plaît. Right now, right now, right now, right now, right now, maintenant, maintenant, maintenant. Alors donc, non boisé. On a à peine à croire que ce vin blanc... C'est un vin blanc ou un vin rouge? Ben, c'est un vin qui était rouge, mais qui a viré au blanc. Ah, oh, c'est un Indien qui a changé de bord. C'est vrai. Alors, donc, une couleur d'or. D'or. D'or et déjà, vous allez payer le plein prix. Ah, ben peut-être, on sait pas. Alors, donc, une couleur d'or, fin reflet de Saint-Exupéry. Comment ça? Les cheveux de Saint-Exupéry. Ah oui, c'est vrai, ils étaient blanc-pâle. Pas blanc-pâle. Ni blond-pâle, c'était blanc-pâle. Oh, les cheveux blanc-pâle frisottés. Oh, les femmes aiment ça, les frisottés. Ben oui, ça leur rappelle... comment ils s'appellent avec le mouton, là? Désolé, bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon. Qu'ils bloutent, bergère. Prends garde à te garder, bergère. Un jour, tu vas veiller. Alors donc, d'une couleur d'or, fin petit reflet, un peu beige. Son bouquet est bien typé chardonnay. Comment on fait pour typer un chardonnay? Ben, premièrement, vous, Vous prenez la bouteille, vous tournez. Hein, mon Dieu, ça sent comme les grelots. Ça sent les grelots. Plus vous tournez, plus ça sent les grelots. Et les grelots adorent ça lorsque vous jouez avec les... Oh, là, là. Ils virent au blanc. Hein? Ah oui, c'est un blanc d'or. Un blanc d'or de Saint-Exumery. Oui, monsieur. Alors tourne, tourne, tourne. Tourne, tourne, tourne, tourne. Le tour du monde, le tour du monde. Tourne, tourne. Allez, tourne, tourne, tourne. OK, attendez. C'est comme la Terre, ça tourne. Les chiffres tournent. Les chiffres se parlent. Les chiffres se battent. J'ai voulu te multiplier, te faire un enfant deux fois par an. Je pars mon 3, j'abaisse mon 4, ça m'en faisait 13 ans, 6 ans. Oh, oh, oh, oh, reviens, reviens, t'étales dans la foule en fuite. Chaussée pénis, soit fin cané, sous une affiche en majuscule, entre une virgule et un zéro, tu prenais d'emprunt cocolico. Oh, oh, oh, oh, oh, reviens, reviens, les chiffres se parlent, les chiffres se battent. J'ai voulu te multiplier, te faire un enfant deux fois par an. Je prends mon jour, je laisse mon cata. Ah ouais, là, qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Exupéry? Hein? On est un peu beige. Son bouquet est bien typé chardonnay. Et la bouche suit. La bouche suit. Ben, la bouche va suivre la coupe. Ah, comme tous les alcoolos, c'est... Ben oui! La bouche suit son corps. Ah, c'est pervers. Là, son corps est moyen. Comment ça? C'est une... Elle vient de... Non, non, non, dites pas de cochonnerie. Non, non, j'allais pas. Non, j'oserais pas. Bon, son corps moyen. Et ça, c'est une censure de l'errance rénaldienne. Une autre censure. Une autre censure. Une autre. C'est ça. Alors, corps moyen avec des saveurs franches et un zeste, un reste de gaz carbonique. Sortez, c'est du gaz carbonique. C'est du chardonnay. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, donc, franche de gaz carbonique qui en rehausse le goût. Et une finale acide. Hey, salut, man! Non, c'est pas de l'acide comme ça. C'est... Non, non, c'est pas de l'acide de junkie, là. C'est de l'acide, une fine purée d'acide. Hey, man! J'ai plus de cerveau, il y a trop d'acide. Alors, donc, finale acide d'une fermeté de bon aloi. Alors, de sorte qu'à l'aveugle, on croirait boire... Un Mancon blanc. Un Mancon blanc, ben un Mancon blanc. T'as jamais bu un Mancon blanc, toi, la fille de rue. Non, j'ai mangé des Mancon blancs, puis ah, c'est dur sur la bouche. Sur la langue, c'est encore plus crémeux. Oh, monsieur, qu'est-ce qu'ils disent à part de ça? Ils n'ont pas coupé le reste, donc. Réussi en 2010, quasi opaque le bouquet de petits fruits noirs et généreux, harmonieux, et donne une finale Samitra Rose Malaye. Samitra Rose Malaye, ben oui. Oh, Rose Malaye, je chante, OK. La bouche suit, encore, elle suit tout le temps la bouche, mais c'est normal. Hey, t'as-tu déjà vu une bouche qui suivait pas une coupe de vin, tout bas? La bouche suit, corsée, dense, sur des tanins bien enveloppés, mouvert de Syrah, Carignan, Grenache et Cinsoul. Hey, pour être Cinsoul, c'est... Et ça, Cinsoul, je t'en prends trois autres. Je sors de Cinsoul à 43 bouteilles en une. Tu es nu une nuit. Ben, monsieur, OK, bœuf, grenache et cidre, breuvage, faut de rôle, 4%. 4 degrés d'alcool. 14, pas 14, 4, 14, 14, 14! Oh, ils en ont fait 115 caisses. Uniquement 115 caisses. Comment ils vendent ça? Ils n'ont pas indiqué le prix. Tu parles des insignifiants. Ça doit se vendre d'une manière incroyablement chère. Hey, 14 degrés, c'est... Wow! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec ça, là, on se dit... Quelle importance le temps qu'il nous reste. Comment ça? Ah, ouais, ouais. Jean-Marc, vas-y, donne le ton. Ton, ton, ton. Quelle importance, le temps qui nous reste, nous aurons la chance de vieillir ensemble. Et monsieur, vous avez du talent. Merci. Au fond de tes yeux, vivra ma tendresse. Hey, vous allez passer à la télé. Merci. Est-ce que je peux rester à la radio? Vous resterez à la radio surtout. Au fond de mon cœur, vivra ta jeunesse. Est-ce comme une prière du temps de l'enfance, ces mots sur tes lèvres, et dans la confiance, Je nous imagine ta main dans la mienne, nos moindres sourires voudront dire I love you. Je t'aime. Mais l'un de nous s'enlira le premier. Il fermera ses yeux à jamais. C'est ici, ça se garde. Dans un tout dernier. Tenez-vous, compte, sourire. Ça va casser, c'est bon. Et l'autre, en perdant la moitié de sa vie, restera chaque jour dans la nuit. Son cœur bien se battra. Mais pour qui? Mais pourquoi? Ton paraison de la porte s'en trouve. Mon cœur bat plus vite et je te retrouve. Quand nos mains se tiennent, j'oublie tout le reste. J'ai l'impression même que le temps s'arrête. Arrêtez-le, l'un de nous s'en ira le premier, il fermera ses yeux à jamais, dans un tout dernier sourire, et l'autre sera trop fatigué, s'en ira presque heureux le premier, et l'autre, sans tarder, viendra le retrouver. Je nous imagine ta main dans la mienne. Nos moindres sourires voudront dire je t'aime. Mauvaise nouvelle, catastrophe à la chaîne, où l'on voudrait disparaître, mettre un terme à cette vie de labeur et de peine, sans plus de remords qu'un vieux cheval mort. Mais que tu tombes ou non, au champ de main, pas plus de vaincu que de vainqueur. Avec des fleurs, il y a des nuits d'insomnie garanties où l'on se tourne, retourne dans son lit. À l'horizon, ni solution, ni sortie, et dans le corps. Qu'un vieux a en sort. Que tu tombes ou non au champ de main, que tu oublies. Oh, dis, ouais, regarde, ça ne va plus. Mais dans mon temps, moi, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas des chambres de même. Lily était toutes un au côté de l'autre, la même affaire d'un hôpital. Les gars avaient bien du fun, par exemple. Il y en a qui s'iraient au poignard, il y en a d'autres qui jouent au cap. Moi, je jouais de la guitare. Je chantais mes tunes. Les gars aimaient bien ça. À vous, votre guitare, moi? Et dans le show. À la chercher. On joue moins d'heures de ce temps-là. C'est mon plaisir, Armand. OK. Chance, c'est pas une guitare électrique. Armand, hein? Oui. Je viens d'apprendre que mon père est mort, puis je me sens pas triste. Je suis heureuse. C'est effrayant, hein? Oui. Je sais pas si faut m'en rappeler parce que ça fait longtemps de ça, puis moi aussi, c'est pareil. Armand? Hein? Veux-tu me caresser les cheveux? Oh oui, Armand, veux-tu? Ben voyons, je peux pas te caresser les cheveux pour jouer de la guitare, ça me prend mes deux mains. My kingdom is lost inside of time. My